Fais pas comme si on savait pas, y'a qu'à regarder les autres. Habitué à les voir nous regarder tous de haut. C'est pas du sirop dans la bouteille d'eau minérale. Vaillant de Kimino devine qu'il faut du dinero. La pression qu'ils me mettent, l'impression qu'ils me mentent. La question qui me freine, la même qui me peine. Et les autres ils avancent, pas question qu'on est à S. Pas question qu'ils passent devant nous au volant. C'est mon refrain, ouais. Quand il sort, je suis refait, ouais. Pour un regard de trop, on casse des gueules. Mais on n'est pas des mauvais, ouais. C'est mon refrain, ouais, j'ai notre tarot. Malgré les kilomètres, j'ai fait le même tarot. On se comprend, on regarde, pas de belles paroles. On traînait dans la ville avec la même dalle. Je ferai tout pour mon frérot. Tout pour mon frère. Oh, c'est tout pour mon frérot. Tout pour mon frère. Moi, c'est tout pour mon frérot. Tout pour mon frère. Je donne tout pour mon frérot. Tout pour mon frère. C'est mon refrain, ouais, j'ai notre tarot. On traînait dans la ville avec la même dalle. Deux enfants turbulents sur la même galop. Avec le même talent. On se rejoint dans la nuit, on fait les mêmes salaires. C'est tout pour mon frérot, je m'en bats les couilles. Il tient la guitare et moi je ramasse les douilles. Je veux pas savoir s'il est en tort, c'est bien noté. Les mains faites pour leur mêmes sont menottées. Quand t'es dans la nuit, hey, on sort en vitesse. C'est peur au videur, s'il faut on l'éteint. Et on pisse une guitare. Et nique sa mère frère, profite de l'occasion. Pour écrire mes textes, c'est la vie d'un locat. On n'est pas des mauvais, ouais. C'est mon refrain, ouais, j'ai notre tarot. Malgré les kilomètres, j'lui fais le même tarot. On se comprend, on regarde, pas de belles paroles. On traînait dans la ville avec la même dalle. J'ferai tout pour mon frère.